suis né là où poussent les enfants vers les yeux dans ce parc où les fleurs s'invitent à la conversation. Où l'herbe est si haute, rouge, orangée, surplombe les bâtiments oubliés en ruine. Je suis né sur cette plage où les vagues sont muettes, où la mer est un lac à l'aspect immobile, où l'eau si belle, jaune, orangée, semble morte comme la sédimondie. Je suis né là où poussent les enfants vers les yeux dans cette gare où le vide invite à la consternation, où l'aspect du sol vert orangé inonde le bâtiment éclatant la rétine. Tunnel à traverser, éclatant la rétine. Au loin une lumière bleutée, éclatant la rétine. Le soleil reprend ses droits, éclatant la rétine. Une odeur de soufre, éclatant la rétine. Une aire de jeu, éclatant la rétine. Dans mon cou un souffle, éclatant la rétine. Éclatant la rétine, éclatant la rétine. Éclatant la rétine. Je suis né là où poussent les enfants vers les yeux sur cette femme simple princesse de la déception à la peau si douce rose orangée, la robe blanche et la ligne éclatant la rétine. Je suis né là où poussent les enfants vers les yeux sur cette chose qui invite les gens à la dépression, où la crise est sévère, l'esprit saupoudré, le visage terne éclatant la rétine. Je suis né là où poussent les enfants vers les yeux sur cet homme qui invite les gens à la dépression, où la crise est sévère, le visage terne, comportement déviant qui éclate leur rétine. Lorsqu'on prend le temps de voir, le temps pousse et la fleur, l'or jaune et l'espoir, si loin du sécateur, nourrissent les histoires, sous l'engrais des saveurs, d'un runner dérisoire, qui éclate en douceur. Je suis né là où poussent les enfants vers les yeux dans ce parc, où les fleurs s'invitent à la conversation, où l'herbe est si haute, rouge, orangée, surplombe les bâtiments, oubliés en ruine. Je suis né sur cette plage où les vagues sont muettes, où la mer est un lac à l'aspect immobile, où l'eau si belle, jaune, orangée, semble morte comme la sédimondice.